l'amour de la patrie. Toutes les sciences ont été en grand honneur parmi eux. Les inventeurs des choses utiles recevaient, et de leur vivant, et après leur mort, de dignes récompenses de leurs travaux. C'est ce qui a consacré les livres de leurs deux mercures et les a fait regarder comme des livres divins. Le premier de tous les peuples où on voit des bibliothèques est celui d'Égypte. Le titre qu'on leur donnait inspirait l'envie d'y entrer et d'en pénétrer les secrets. On les appelait le trésor des remèdes de l'âme. Elle s'y guérissait de l'ignorance, la plus dangereuse de ses maladies et la source de toutes les autres. Une des choses qu'on imprimait le plus fortement dans l'esprit des Égyptiens était l'estime et l'amour de leur patrie. Elle était, disait-il, le séjour des dieux. Ils y avaient régné durant des milliers infinis d'années. Elle était la mère des hommes et des animaux que la terre d'Égypte, arrosée du Nil, avait enfantée pendant que le reste de la nature était stérile. Les prêtres, qui composaient l'histoire d'Égypte de cette suite immense de siècles, qu'ils ne remplissaient que de fables et des généalogies de leurs dieux, le faisaient pour imprimer dans l'esprit des peuples l'antiquité et la noblesse de leur pays. Au reste, leur vraie histoire était renfermée dans des bornes raisonnables, mais ils trouvaient beau de se perdre dans un abîme infini de temps qui semblait les approcher de l'éternité. Cependant, l'amour de la patrie avait des fondements plus solides. L'Égypte était en effet le plus beau pays de l'univers, le plus abondant par la nature, le mieux cultivé par l'art, le plus riche, le plus commode et le plus orné par les soins et la magnificence de ses rois.